إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'da. Donc aujourd'hui, donc c'est le cours numéro 47 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et donc on est dans la fin, on a presque terminé le livre, inshallah il reste que deux phrases à expliquer dans le livre. Bien entendu, il y a des frères aujourd'hui qui sont nouveaux, c'est la première fois qu'ils assistent au cours. Donc c'est certain que peut-être il y aura des choses qui ne seront pas claires, parce que étant donné qu'on est à la fin du livre, il y a des choses qu'on a déjà expliquées. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas revenir en arrière pour expliquer chacun de ces points-là en détail. Sauf qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour tout le monde quand même. D'accord ? Et alhamdoulilah, c'est quelque chose de, en même temps, qui est encourageant de voir que alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours à guider de plus en plus de personnes à cette religion de l'islam, malgré tous les mensonges qui sont mentionnés dans différents médias à propos de l'islam, les mauvaises propagandes qui sont faites à propos de l'islam. Mais malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à ouvrir le cœur des hommes à la vérité et à les éclairer par sa lumière. C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah subhanahu wa ta'ala va compléter sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. Donc, le message de l'islam continue à se propager, et les hommes continuent à l'accepter. Et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné déjà dans sa révélation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, inshallah? On va expliquer un passage dans la risale de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab lorsqu'il dit At-tawarit wa kathirun wa ru'usuhum khamsa iblis la'anahu Allah wa man 'ubida wa huwa rad. Donc on a expliqué dans les cours précédents que tous les prophètes que Dieu a envoyés aux hommes, à partir du premier d'entre eux, c'est-à-dire Nuh alayhi salam, Noé, jusqu'au dernier d'entre les messagers, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous invité les hommes à la même chose, au même message fondamental, qui est le message de la ilaha illallah, c'est-à-dire de faire déclarer aux hommes, d'appeler les hommes à déclarer et à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et on a expliqué que tout ce qui est appelé, ou tout ce qui est invoqué, ou tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, dans l'islam, on l'appelle, ou dans le Coran, on l'appelle tagout. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, par les hommes, que ce soit une idole, que ce soit une tombe, que ce soit une statue, que ce soit un saint, que ce soit une image, que ce soit un prophète, que ce soit une étoile, la lune, le soleil, que ce soit des esprits, que ce soit, comme on a dit, les lois, les gens qui adorent les lois, des choses de ce genre, peu importe, qu'est-ce que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est considéré en islam comme étant un tarout. Puis on a expliqué que le tarout, c'est toute chose qui dépasse sa limite. C'est-à-dire qui dépasse la limite que Allah subhanahu wa ta'ala a établie. Soit parce qu'on l'adore, ou soit parce qu'on le suit, ou parce qu'on l'obéit dans ce qui dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a expliqué ça déjà dans les cours précédents. On va pas être capable de rentrer dans les détails de ça encore, mais on va juste clarifier le fait que, pour comprendre mieux qu'est-ce que ça signifie le tarout, le cheikh, il a expliqué que les tawarit, le pluriel du mot tarout, c'est tawarit. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs sortes. Mais pour rendre l'affaire plus simple et plus claire pour les gens, les ulama ont mentionné 5 qui sont les plus importantes parmi ces différentes formes de tarout. Et la première d'entre ces différentes sortes de tarout, la plus importante et la plus dangereuse, celui qui égare le plus les hommes, c'est Iblis. La'anahullah. Iblis, c'est le diable. Hein, Shaytan. Donc c'est lui la tête des tawarit. Parce que c'est lui qui appelle les hommes à adorer autre que Allah et à s'égarer du droit chemin. Puis, deuxièmement, celui que le cheikh mentionne en deuxième, c'est celui qui est adoré par les gens et qui est satisfait d'être adoré. C'est-à-dire celui que les gens se prosternent devant lui, les gens l'adorent, les gens l'invoquent et il est satisfait que les gens fassent ça avec lui. Donc ça aussi c'est un tarout. Donc le cheikh maintenant, Cheikh Saleh Al-Fawzan, pourquoi on retourne toujours à des ulama, à des savants de l'islam pour comprendre notre religion? C'est parce que c'est à travers les savants de l'islam que cette religion, elle a été transmise. On ne peut pas prendre le Coran aujourd'hui ou les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puis essayer de les interpréter par nous-mêmes, de les comprendre par nous-mêmes, hein, puisque entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans qui nous séparent. Donc c'est obligatoire pour nous de retourner aux savants de l'islam, eux qui ont lu le Coran, qui l'ont compris, qui l'ont mémorisé, qui l'ont appliqué et qui ont lu l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces paroles d'Allah et également des exemples et des paroles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, c'est ce que les prophètes ont laissé en héritage. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants de l'islam sont les héritiers des prophètes. Donc nous, on prend notre science des héritiers des prophètes, c'est-à-dire des hommes de science. Et parmi ces savants-là, il y a le cheikh Saleh Al-Fawzan, qui fait partie des grands savants de l'islam à notre époque, qui est vivant encore aujourd'hui. Et il a écrit ce livre pour expliquer ce livre du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il dit, pour expliquer cette parole, qu'est-ce que ça signifie? At-tawarit alladhina yantabiqu alayhim hadha at-ta'rif kullu ma'bud aw matbu' aw muta' kathirun walakin ru'usuhum khamsa, yani akabiruhum khamsa. Donc comme on disait, le tawarit, comme on l'a expliqué dans le cours précédent avec la définition, que c'est tout ce qui est adoré ou suivi ou obéit dans ce qui dépasse la limite d'Allah, ça, il y en a beaucoup de sortes, il y en a beaucoup, il y en a différentes sortes, et il y en a de nombreuses manifestations. Sauf que les têtes des tawarites sont de 5, et c'est les plus grands, les plus importants, sont 5. Al-awwal iblis, la'anahullah, ay taradahu Allah wa ab'adahu an rahmatihi bisababi annahu imtana'a an sujudi li Adam. وعصى الله سبحانه وتعالى وتكبر قال تعالى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فعصى أمر الله سبحانه وتعالى وتكبر فلعنه الله وطرده وأبعده وسمي إبليس قيل لأنه أبلس من الرحمة يعني يائس من الرحمة والمبلس هو اليائس من الشيء فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله وهو الذي يأمر باتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يأمر بطاعة غير الله بالتحليل والتحريم فإبليس هو مصدر الشر وهو رأس الطواغيت Le cheikh il dit que le premier donc parmi les tarouts c'est Iblis, que Allah le maudisse, c'est-à-dire quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit, c'est-à-dire qu'il l'a écarté, il l'a chassé de sa miséricorde, il l'a éloigné de sa miséricorde. Pourquoi? Parce que Iblis, quand on lit dans le Coran, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que Iblis, c'était un d'entre les djinns qui était parmi les serviteurs les plus rapprochés d'Allah. Et il était parmi les anges à ce moment-là, lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Après avoir créé Adam, Allah a ordonné aux anges de se prosterner. Et étant donné que Iblis, à ce moment-là, il était parmi les anges, il n'était pas un ange, mais il était parmi les anges, étant donné qu'il était parmi eux au moment où les anges ont été ordonnés, alors il devait se prosterner lui aussi. Mais il a refusé de se prosterner. Il a refusé de se prosterner par orgueil et par fierté. Donc il a désobéi au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé « Pourquoi tu as refusé de te prosterner? Pourquoi tu ne veux pas te prosterner ?» Comme dans le verset 76 dans Surat Sad, il a répondu « Je suis meilleur que lui. » C'est-à-dire, Iblis, la'anallah, il dit « Je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. » Donc, il a donné ça comme une excuse. Et c'est une excuse vraiment futile, hein, et ridicule pour s'abstenir de se soumettre au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand Allah nous ordonne quelque chose et nous dit de faire quelque chose, on n'a pas à essayer de s'objecter à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant des genres de prétextes ou de réponses futiles comme celle de Iblis. Je suis meilleur que lui. Lui, il est de la terre, moi je suis du feu. Donc, parce que l'origine de la création de l'homme, c'est de la terre. Et l'origine de la création de Iblis, c'est le feu. Donc, Iblis, il a fait cette analogie-là. Hein, il a essayé de comparer le feu et la terre pour essayer de voir. Il a dit, donc, moi, je suis meilleur que lui, parce que le feu, pour lui, le feu était meilleur que la terre. Hein? Donc, il a refusé de se prosterner. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit et l'a chassé. Il l'a éloigné de sa miséricorde. Et on l'a appelé Iblis, certains savants ont dit, parce qu'il a perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ablassa en arabe, ça veut dire perdre l'espoir. Ya'isa. Ça vient de cette signification-là. Al-mublis, ça veut dire al-ya'is. Ça veut dire celui qui perd l'espoir, qui désespère. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit le diable, Iblis, qui est devenu une d'entre les têtes des tawarites, de ceux qui appellent les gens à s'éloigner d'Allah et à adorer autre que Allah. Justement parce que c'est lui le premier d'entre les créatures qui essaie d'égarer les hommes de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, étant donné qu'il a refusé de se prosterner à Allah et à se soumettre à l'ordre d'Allah, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit donc qu'il était maudit et qu'il était éloigné de sa miséricorde. Donc, pour se venger de l'homme, par jalousie et par haine pour l'homme, il a dit, je vais tout faire ce que je peux pour ramener avec moi en enfer le plus grand nombre d'entre eux. C'est-à-dire, il veut tout faire ce qu'il peut pour ramener des êtres humains avec lui dans l'enfer, parce qu'il sait qu'il s'en va dans l'enfer. Donc il dit, je vais tout faire pour égarer les hommes. Et la meilleure façon, et le premier moyen pour égarer les hommes, et pour les faire garantir à l'enfer, c'est quoi? C'est de les faire commettre le plus grand péché. Et le plus grand de tous les péchés, c'est quoi? C'est d'adorer autre que Allah, de faire le shirk, d'associer avec Dieu dans l'adoration, d'adorer ou d'invoquer des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Donc, dans l'islam, on le sait, on n'a pas le droit d'adorer autre que le Créateur. On doit adorer le Créateur seul. Et on doit adorer le Créateur directement. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de passer par un intermédiaire, de passer par des saints, ou par des anges, ou par des créatures pour aller à Dieu. Non. La voie vers Dieu, elle est directe. Quand on invoque, quand on adore Allah directement. Ça, c'est l'unicité d'Allah. Ça, c'est l'appel de tous les messagers d'Allah. Et c'est ce qu'on appelle en arabe at-tawhid, l'unicité de Dieu dans l'adoration. C'est ça la base de l'islam. Et c'est ça qui fait que quelqu'un est musulman. S'il a cru en ça et qu'il a suivi les messagers, il sera un musulman. Toutefois, s'il contredit ce principe-là et qu'il adore d'autres avec Allah, il ne sera pas musulman, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le pèlerinage, même s'il fait la zakat, même s'il fait toutes les autres actions de l'islam. S'il n'a pas établi ce premier fondement et ce premier principe-là, il ne sera pas considéré comme un musulman, peu importe qu'est-ce qu'il fait parmi les bonnes œuvres. Parce qu'il a détruit la base. D'accord? Donc, le cheikh ici, il dit... Donc, Iblis, c'est lui le premier qui appelle les hommes à adorer d'autres que Allah et qui leur ordonne de suivre autre que le messager d'Allah et qui leur ordonne d'obéir à autre que Allah dans le fait de rendre permis ou de rendre interdit, de rendre légal ou de rendre illégal, de rendre licite ou de rendre illicite. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué au dernier cours, que en ce qui concerne qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal, c'est un droit exclusif d'Allah de faire ça. Personne ne peut interdire quelque chose sauf Allah. Et personne ne peut permettre quelque chose sauf Allah. Si quelqu'un se place, se met à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et commence à légiférer à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est approprié un des droits qui est exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui consiste en un acte de shirk aussi. Donc, Iblis, c'est la source du mal. C'est la source du mal et c'est la tête des Tawarites. C'est pour ça qu'on le mentionne en premier parmi les Tawarites. الثاني من عبد وهو راد أي عبد وهو راد بعبادة الناس له فهو طاغوت أما من عبد وهو غير راد بذلك فلا يدخل في هذا لأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من دون الله ولكنه غير راد بذلك وأمه وعزير والأولياء والصالحون من عباد الله لا يرضون بهذا بل كانوا ينكرون هذا ويحاربون من فعله فمن عبد وهو غير راض بذلك فإنه لا يسمى طاغوتا. Ça, c'est un point très important aussi. Le deuxième parmi les catégories de tarout, c'est celui qui est adoré par les gens et qui est satisfait de se faire adorer. Donc, celui-là, on l'appelle un tarout parce qu'il est satisfait de se faire adorer par les gens. En ce qui concerne celui qui se fait adorer par les gens, mais qui n'est pas satisfait, qui n'agrée pas ça, il n'entre pas dans les tawarites. Il ne fait pas partie des tawarites. Comme Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie. Il ne fait pas partie des tawarites. Pourquoi? Même s'il était adoré, même si beaucoup de gens parmi les gens aujourd'hui, parmi ceux qui se disent chrétiens, adorent Jésus, mais lui-même n'a jamais été satisfait de ça. Et n'a jamais demandé aux hommes de faire une chose pareille. Donc, il ne fait pas partie des tawarites. Celui qui fait partie des tawarites, c'est qui? C'est celui qui est adoré par les hommes et qui est satisfait qu'on l'adore. Ça, on va y revenir à ça, inshallah, en ce qui concerne les politiciens. Donc, en ce qui concerne Isa, alayhi salam, donc, lui, les hommes l'adorent, les chrétiens se prosternent devant son image, ils se mettent à genoux devant son image, ils prient devant son image, ils l'invoquent dans les moments de détresse et dans les moments d'aisance, et ils le prennent comme Dieu. Donc, ça c'est de l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle du shirk en islam et en arabe. Donc, Est-ce qu'on va dire de lui à cause de ça que Isa est un tagout? Non, on n'a pas le droit. Parce que lui-même, il a condamné le fait qu'on l'adore ou qu'on adore toute autre créature. Le message de Isa alayhi salam, c'est le message de Abraham, c'est le message de Jacob, le message d'Isaac, le message de Moïse et le message de tous les prophètes qui sont venus avant lui. C'est-à-dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et Jésus, le fils de Marie, hein, quand il appelait les hommes, c'est à ça qu'il les appelait. Mon Dieu est votre Dieu, mon Père est votre Père. Hein, c'est comme c'est écrit dans la Bible aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, tu vois les chrétiens, ils prennent Jésus comme Dieu, au lieu de le prendre comme un prophète et un envoyé de Dieu. Et ils l'invoquent lui directement, au lieu de faire comme lui. C'est-à-dire, lui-même, quand il avait quelque chose, quand il avait besoin de quelque chose, il s'adressait à qui? Est-ce qu'il priait à lui-même? Non. Il priait à Dieu. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'est pas Dieu lui-même. Hein? Et quand on lui a demandé, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il a dit, « Ne m'appelle pas bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Hein? Ne m'appelle pas bon. » Et quand on lui a demandé, « Quand va venir l'heure de... Quand va venir l'heure? Quand sera l'heure du jugement dernier ?» Il a dit, « Nul ne sait l'heure. » Ni les anges, ni le Fils. Seul Dieu sait l'heure. Donc ça dit, selon la théorie des chrétiens qui prétendent que Dieu est trois en un, qui disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, eh bien selon cette idée-là, il faudrait que le Père et le Fils aient la même connaissance. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu, elle est infinie, donc la connaissance de son Fils, soi-disant, devrait être elle aussi infinie, puisqu'il est supposément un avec Dieu. Mais puisque lui-même il dit qu'il ne sait pas le jugement dernier, quand est-ce que ça va venir, alors que Dieu sait, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu lui-même. S'il était Dieu, ou s'il était un avec Dieu, il devait savoir ça. Hein? Et ça, c'est juste quelques exemples, parce que sinon il y a beaucoup d'autres exemples, pour montrer que Jésus était un être humain, comme les autres, hein, et le fait qu'il est né miraculeusement, ça veut pas dire qu'il est Dieu ou fils de Dieu non plus, puisque Adam, lui aussi, est né sans père ni mère, hein, Adam et Ève n'avaient ni père ni mère, et malgré tout, on va pas dire que ils étaient des fils de Dieu ou des filles de Dieu, d'accord, puisque Dieu a pas d'enfants. Il n'a pas une épouse avec laquelle il est marié pour avoir des enfants. Et il n'échange pas des chromosomes qu'il a échangés avec une femme pour créer un être humain. Non. Dieu, il crée à partir de rien. Et quand il veut que quelque chose soit, il n'a qu'à dire soit et c'est. Hein? Il n'a pas besoin de passer par les moyens des animaux ou des hommes pour créer des choses ou faire des choses de ce genre. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre à ceux qui ont l'idée des chrétiens que Jésus est Dieu, ou qu'il est fils de Dieu, ou qu'il est il fait partie de la divinité, ou qu'il a Dieu en lui, ou des choses de ce genre. Tout ça sont des fausses croyances. Donc, nous on dit, non, Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie, il n'a pas appelé les hommes à ce qu'on l'adore. Et la même chose pour sa mère, Mariam, Marie, elle n'a jamais dit aux hommes, priez-moi, adorez-moi. Alors que aujourd'hui, si tu vas dans les églises catholiques, tu vois que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient Marie, ils prient directement à Marie. Et pire que ça encore, quand ils l'invoquent, ils disent, Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous. Alors qu'elle est morte et enterrée. Et ils l'appellent la mère de Dieu. Donc ça veut dire Dieu, il a une mère. Est-ce qu'il a un père aussi? Est-ce qu'il a un grand-père? Est-ce qu'il a une grand-mère? Ça ressemble pas à la religion de Dieu, à la religion des prophètes. Ça ressemble à la mythologie grecque. Ça ressemble à l'hindouisme. Mais ça ressemble pas à la religion des prophètes que Allah a envoyé avec le tawhid et l'unicité de Dieu. Hein? Donc ça, c'est des explications. Pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre ce principe-là dans l'islam, qu'on n'a pas le droit d'adorer autre que Allah. Si quelqu'un parmi les chrétiens, des fois, il y en a parmi les chrétiens, ils viennent, lorsqu'on parle de tawhid et de l'unicité d'Allah, ils viennent voir les musulmans et disent « Oui, mais vous, vous priez Muhammad. » C'est parce qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas l'islam. Et ils vont dire « Vous, vous priez Muhammad. » On dit « Non, on ne prie pas Muhammad. Muhammad est un prophète parmi les prophètes. » Et de la même manière que Jésus, fils de Marie, a interdit aux hommes d'adorer autre que Dieu, le prophète Muhammad, lui aussi, a interdit aux hommes de prier autre que Dieu. Et celui qui adore Muhammad, il est un idolâtre. Et c'est un mushrik. Il a fait le shirk. Il n'est pas musulman, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il se dit musulman. D'accord? Donc ça n'a pas rapport. C'est, en fait, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas important qui tu adores ou qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah. Du moment que tu adores quelque chose en dehors d'Allah, tu es un mushrik, tu es un idolâtre, tu es un mécréant. Même si ce que tu adores, c'est quelque chose qui est quelque chose de respecté et quelque chose de bien parmi les prophètes ou les messagers ou les hommes pieux ou les choses de ce genre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, qui se disent musulmans et qui prient des tombes, qui prient des morts, qui prient le même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on leur dit, vous, ce que vous faites, c'est contraire à l'islam. Et ce que vous faites, c'est du shirk. Et le fait d'adorer un homme, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou un homme pieux parmi les saints ou les hommes qui ont fait des grandes choses pour l'islam, si vous l'adorez en dehors d'Allah et vous l'invoquez et vous adorez sa tombe et vous allez faire des pèlerinages à sa tombe et vous faites des tours, vous circulez autour de sa tombe, vous faites des sacrifices à sa tombe pour vous rapprocher d'Allah ou vous rapprocher de ces hommes-là, ça rentre dans qu'est-ce qui est innovation et dans qu'est-ce qui est shirk. Et ça rentre dans l'idolâtrie. Et c'est pas quelque chose qui est acceptable en islam. Mais vous allez aller dans les pays musulmans et dans chaque pays musulman, vous allez trouver des gens qui font ces choses-là. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez des gens qui font ça au nom de l'islam, mais sachez que ce qu'ils font a été interdit par le Coran et a été interdit par la Sunna et par tout ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala comme livre et comme prophète et messager qui ont appelé à l'islam. Donc ça, c'est un point pour faire comprendre en même temps que c'est pas ce que les musulmans font qui est nécessairement représentatif de l'islam. Qu'est-ce qui est représentatif de l'islam? C'est ce qui est écrit dans les textes de la religion, dans le Coran et dans la Sunna. Si c'est contraire à ce qui est écrit dans les textes, on le rejette, même si des gens le font, même si les gens le pratiquent au nom de l'islam. Naam. Naam. Mais c'est vrai que, comme le frère il dit, il y a une grande portion de ces gens-là qui font ces actions-là, qui sont... Naam. Barakallahu fik. Il y a une grande portion de ces gens-là, comme le frère il dit, qui sont ignorants. Mais il y a une portion d'entre eux qui ne sont pas ignorants. Et la preuve qu'ils ne sont pas ignorants, c'est qu'ils écrivent des livres pour défendre cette chose-là. Pour défendre l'adoration des tombes, pour défendre l'adoration des morts. Et ils se mettent en colère contre ceux qui disent que ça c'est interdit dans l'islam et que c'est shirk. Et ils sont prêts même à traiter d'hérétiques ceux qui disent que ce qu'ils font est interdit dans l'islam. Donc c'est une catégorie des musulmans qui sont égarés de l'islam et des fondements de l'islam. Ça c'est important de le comprendre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir, quelques jours avant sa mort, il a dit لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux de culte et des lieux d'adoration. Il a dit ça pour avertir les musulmans pour ne pas qu'ils fassent la même chose. Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من هم يا رسول الله قال اليهود قالوا اليهود والنصارى قال فمن. En fait, c'est un hadith qui dit que les musulmans vont suivre les... En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre pas à pas les gens qui vous ont précédé. Même s'ils décident de rentrer dans un trou de lézard, vous allez essayer de les suivre dans ce trou. Alors, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens qu'on va suivre? Il a dit, qui d'autre? C'est-à-dire, les juifs ont changé le livre que Allah leur a donné. Ils ont dévié de la voie de leur prophète. Les chrétiens ont changé le message de Jésus après que Dieu l'ait élevé aux cieux. Et ils ont déformé son message. Ils ont changé sa religion. Et ils ont fait de sa religion une religion d'idolâtrie. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dire aux musulmans, après moi, il y a des gens qui vont venir et vous allez suivre l'exemple de ces gens-là qui nous ont précédés parmi les juifs et les chrétiens qui ont dévié de la bonne voie. Alors il est en train de leur dire de les mettre en garde en fait, de faire attention de ne pas suivre ces gens-là. Donc c'est très important de savoir que c'est vrai, il y en a, parce que souvent il y a des gens qui, comme si quand ils voient des gens qui font de l'idolâtrie dans les pays musulmans au nom de l'islam, ils adorent les morts et les tombes, on a souvent le réflexe de dire « Ah, c'est des pauvres, c'est des ignorants, ils savent rien ». C'est vrai qu'il y en a parmi eux qui sont ignorants, mais il y en a parmi eux, c'est des dajjalines, c'est des shayatines, c'est des diables humains. Ils appellent les gens à l'idolâtrie directement et purement et simplement. Ils sont des docteurs en langue arabe, des docteurs en sharia, des docteurs en théologie, ils connaissent la religion. C'est pas l'ignorance, c'est parce qu'ils ont l'arrogance et la fierté dans le cœur et la haine du tawhid et la haine du message des messagers d'Allah. Donc ils veulent volontairement et directement opposer la da'wah des messagers, et j'ai des livres, quelques livres que j'ai trouvés même dans certaines mosquées à Montréal, qui encouragent les gens à faire l'idolâtrie et à appeler les morts, et à invoquer les morts. Hein? Et c'est écrit par des gens qui maîtrisent l'arabe, qui connaissent le Coran, qui connaissent les hadiths, mais Dieu les a aveuglés, ils ont leur cœur est aveuglé, et à cause de ça, ils sont égarés du droit chemin. Mais en fait, c'est ceux qui font ça parmi ceux qui se disent musulmans, souvent, ce sont les sectes qu'on appelle les soufis. Et eux, c'est eux qui propagent ça, l'adoration des morts, l'adoration des tombes, l'adoration des saints. Et par le soufisme, ils font la propagation de ces choses-là. Maintenant, vous allez voir chez des chrétiens, des juifs, ils aiment le soufisme. Ils encouragent le soufisme parce qu'ils veulent que les musulmans empruntent cette voie d'égarement pour les ressembler et pour les suivre. Donc le cheikh il explique ça pour faire comprendre que si tu vois des gens qui adorent des saints ou des hommes pieux et que tu regardes dans la vie de ces hommes pieux là, eux-mêmes ils ont dit aux gens que ça c'est interdit et que c'est pas permis de les adorer, et tu les vois, les gens qui les suivent et qui font ça aujourd'hui font ces choses-là, alors que ceux qui sont dans ces tombes-là, eux-mêmes, ont combattu ceux qui faisaient ça. Donc ça, c'est le comble, yani, de l'égarement. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Donc celui qui est adoré par les gens, mais qui n'a pas été satisfait de ça, on va pas l'appeler un tarout. Celui qu'on va appeler tarout, c'est celui qui est satisfait d'être adoré par les gens. Et le cheikh il dit, وَلِذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ فَرِحَ الْمُشْرِكُونَ وَقَالُوا نَحْنُ نَعْبُدُ الْمَسِيحِ وَنَعْبُدُ إِذَنْ هُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وفي الآية الأخرى وقالوا أهالئتنا خير أم هو يعنون عيسى عليه السلام ثم قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فهو عبد ولا يرضى أن يعبد من دون الله بل بعثه الله بإنكار ذلك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم فالذي عبد وهو غير راضٍ غير راض بذلك فلا يدخل في هذا الوعيد ولا يكون طاغوتا لأنه منكر لذلك لأن الطاغوت هو الذي يرضى بأن يعبد من دون الله عز وجل. Donc le cheikh il mentionne des exemples de ça dans le Coran. Il dit que dans le verset 98 dans sourate al-anbiya dans la sourate des prophètes dans le verset 98 Allah subhanahu wa ta'ala il dit vous ainsi que ce que vous adorez serez du combustible pour l'enfer. Donc Allah il dit aux mushrikoun aux adorateurs d'idoles vous ainsi que ce que vous adorez vous êtes du combustible pour l'enfer. Hein? Vous serez du bois pour l'enfer. Hein? Et vous allez y rester et y rentrer. Donc, les mushrikoun, les idolâtres, ont été réjouis de ça. Hein? Ils ont entendu ça et se sont réjouis parce qu'ils ont dit, eh bien nous, on adore le Messie, on adore Jésus, on adore un tel et un tel. Et ça veut dire qu'ils vont être en enfer avec nous parce qu'on les adorait. Et le verset dit, vous ainsi que ce que vous adorez. Donc, ils ont dit, ça veut dire que Jésus va être avec nous en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un autre verset par la suite, verset 101 et 102, dans Surat al-Anbiya pour répondre à ces gens-là. Et il leur a dit, ceux pour qui le bien a précédé, eh bien, ceux-là vont être éloignés de l'enfer. On va les éloigner. Et ils ne vont pas entendre son bruit. Hein, et ils auront tout ce que leur âme désire pour l'éternité dans le paradis. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Az-Zukhruf, وَقَالُوا أَهَالِئَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوْ Les idolâtres de la Mecque, les Arabes, ils disaient à l'époque au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nos idoles sont meilleures ou lui? C'est-à-dire Jésus. Meilleures que nos idoles, est-ce que lui il est meilleur ou nos idoles? Il parle de Isa, alayhi salam. Et ensuite, dans le verset qui suit, le verset 58 à 59, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils ne te l'ont donné comme exemple que pour débattre, hein, et pour disputer. Ce sont des gens qui sont disputeurs, des grands disputeurs. Car ils n'étaient qu'un serviteur sur lequel nous avons mis notre grâce, et nous avons fait de lui un exemple pour les fils d'Israël. Donc, il n'était qu'un serviteur d'Allah. Il n'était pas Dieu ou fils de Dieu ou des choses de ce genre. Et il n'était jamais satisfait qu'on l'adore. Il n'a jamais accepté qu'on l'adore. Et il y a un exemple même qui est mentionné dans le Nouveau Testament que les chrétiens possèdent aujourd'hui, qui indique ça aussi de façon très claire. Lorsque on dit que il avait fait une retraite dans le désert, il était resté 40 jours, hein. Et à un moment donné, supposément que le diable est venu le tenter. Hein? Déjà, ça prouve qu'il n'est pas Dieu, parce que est-ce que le diable peut tenter Dieu? Le diable est une créature de Dieu qui est très faible. Elle peut pas venir devant Dieu puis le tenter ou le tester dans quoi que ce soit. Et supposément que lorsque le diable est arrivé et il lui a dit, prosterne-toi devant moi et je vais te donner tout ce que tu vois là-bas, les différentes villes et les choses de ce genre. Hein? Donc déjà ça aussi c'est une autre preuve que Jésus n'est pas Dieu. Puisque s'il était Dieu, il avait juste à répondre que tout ça, ça lui appartenait. Puisque c'était celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a créé les villes et qui a créé tout. Donc il n'a pas besoin du diable pour que le diable lui donne quoi que ce soit. Hein? Et pour se prosterner devant une créature à lui, c'est impensable. Donc, ça c'est une autre preuve qu'il n'est pas Dieu. Puis, ça montre une autre erreur dans la croyance des chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que le diable c'est le Dieu de la terre, puis que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui est maître dans le ciel seulement. Mais que sur la terre c'est le diable le maître. Hein, ça c'est une fausse compréhension des chrétiens. Il n'y a pas deux dieux dans l'univers, un dieu du bien, un dieu du mal. Dieu il est suprême, il est au-dessus de tout. Et il contrôle tout et il possède tout et il n'a même pas d'opposant. Hein? Tout lui appartient, c'est lui le maître au-dessus de tout. Et même le diable, il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Hein? Donc, ça c'est pour un exemple. Et qu'est-ce qu'il a répondu Jésus à cette parole lorsqu'il lui a demandé de se prosterner devant, hein, devant lui? Il a dit, n'était-il pas écrit dans le livre, tu ne te prosterneras devant nul sauf Dieu? Donc ça c'est une réponse, une preuve qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant autre que Allah. Et ça c'est Jésus qui le dit. Hein? Et tout ça sont des preuves. Donc la religion de Jésus, comme il l'a dit lui-même, c'est la religion de son père Abraham et la religion de son père Moïse et de son père Isaac et Jacob. Est-ce que Abraham priait Jésus? Est-ce que Abraham priait autre que Allah? Est-ce que Moïse priait Jésus ou un autre que Allah? Est-ce que Jacob priait Jésus ou autre que Allah? Non. Et leur religion c'était pas ça. Leur religion c'était pas le christianisme. Leur religion c'était la soumission à Dieu et l'unicité, de croire en l'unicité de Dieu et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de Dieu. Et c'est ça qui est l'islam. L'islam signifie la soumission. Donc, ça c'est pour clarifier ce point-là. Donc, il n'était qu'un serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que il a envoyé Isa, alayhi salam, il a envoyé Jésus aux hommes, et en particulier à Bani Israël, aux fils d'Israël, pour que les hommes adorent Dieu seul et pour qu'ils rejettent tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et il mentionne ce verset-là qui est le verset 117 dans Surat Al-Ma'idah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala interroge Isa au jour de la résurrection, est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes de prendre toi ainsi que ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Et Isa, il répond, Jésus répond au jour de la résurrection, il dit: Je n'ai jamais dit une chose pareille. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et c'est toi qui connais l'invisible. Et il dit, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire. C'est-à-dire de t'adorer toi. Hein, d'adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est ça que Jésus a dit aux hommes. C'est ça le tawhid. Donc celui qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah, mais qui n'est pas satisfait qu'on l'adore, alors il n'entre pas dans la menace et il ne fait pas partie du tawhid, ou il n'est pas un tawhid, parce qu'il condamne ce genre de choses et il n'est pas d'accord avec ça. Parce que le tawhid, c'est celui qui est satisfait d'être adoré. Ensuite, le cheikh il donne une troisième catégorie de tawhid, man da'a an-nas ila ibadati nafsi, c'est-à-dire celui qui appelle les gens à son adoration. Celui qui dit aux hommes, adorez-moi, priez-moi, invoquez-moi, craignez-moi, ainsi de suite. Hein? Il appelle les hommes à ce qu'on lui offre des actes d'adoration ou des prières ou des choses de ce genre. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit, وَالثَّالِثُ مَنْ دَعَ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ مِثْلُ رُؤُوسِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ أَنفُسِهِمْ مثل فرعون فقال أنا ربكم الأعلى ومثل النمرود ومثل غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم حتى إنهم يوصون الناس أن يعبدوهم بعدما يموتون فيقول أحدهم إذا أعيتكم الأمور فأتوا إلى قبري أي إذا أعجزتم أو إذا أعجزتكم الأمور فأتوا إلى قبري ولا يحول بينكم وبين حفنة من التراب. يوصون الناس بأن يأتوا إلى قبورهم ويعدونهم أنهم سيقومون بحوائجهم. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه حيا أو ميتا فهو من رؤوس الطواغيت. وكذلك من دعا الناس إلى عبادة غيره من الطواغيت وهم دعاة الشرك وهؤلاء الطواغيت الذين يزينون الشرك للناس ويسمونه بغير اسمه ويقولون هذا من باب التوسل أو هذا من باب الشفاعة وهم كثير. Donc le cheikh explique que parmi les catégories donc de Tarout, on a dit celui qui appelle les gens à ce qu'on l'adore. Il appelle les hommes à ce qu'on l'adore. Et lui, il fait partie aussi des têtes parmi les mushrikines qui appellent les gens à ce qu'on les adore eux-mêmes. Comme Pharaon, le Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran qu'il a dit, dans le verset 24, dans Surat An-Nazi'at, il a dit aux gens, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Donc Pharaon, il disait ça aux hommes. Et comme An-Nimrod, si vous vous souvenez de l'exemple qui est mentionné dans Surat Al-Baqarah, le verset 258, je crois, yani après Ayatul Kursi, quelques versets après, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne l'exemple de Ibrahim, quelques versets plus loin, après Ayatul Kursi, il mentionne l'exemple de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il est entré chez Nimrod. Il a dit, mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Alors Nimrod, par son arrogance et sa fierté, son orgueil, il a dit, moi aussi je peux faire vivre et je peux faire mourir. Alors il a appelé, il a demandé qu'on amène deux hommes, et il a dit, tu es celui-là. Et il a laissé l'autre en vie. Il a dit, regardez, moi aussi je peux vivre et je fais mourir. Celui-là je l'ai fait tuer et celui-là je l'ai laissé en vie. Alors Ibrahim, alayhi salam, il lui a donné un autre exemple. Il lui a dit, c'est mon Seigneur qui fait lever le soleil à l'est. Alors, essaie de le faire lever à l'ouest. Et il a été bouche bée. Il ne pouvait plus dire quoi que ce soit. Donc, ça c'est l'exemple de l'orgueil et de l'arrogance de Nimrod. Et il donne aussi le cher exemple des extrémistes parmi les soufis, ceux qui adorent, qui appellent les hommes à ce qu'on les adore et qui donnent à leurs fidèles la consigne de les adorer après leur mort. C'est-à-dire ils disent à leurs fidèles, à leurs mourides, parce que dans le soufisme, quelqu'un quand il rentre dans la tariqa, dans la confrérie des soufis, dans la secte des soufis, il faut qu'il donne une allégeance. Il faut qu'il donne une allégeance à cet homme-là. Ça fait partie des innovations. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais eux, ils ont inventé ces choses-là dans la religion d'Allah. Donc, ils rentrent dans cette tariqa. Le cheikh, il dit, quand je vais mourir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez à ma tombe et je vais vous exaucer. Venez à ma tombe puis je vais vous donner ce que vous avez besoin. Il y en a même parmi eux qui disent, je vais sortir de ma tombe et je vais venir vous donner ce que vous voulez. Donc, ça, c'est des exemples que tu entends chez les soufis. Ils disent, lorsque quelque chose, vous êtes incapable de le faire et que c'est trop dur, venez à ma tombe. Des choses de ce genre. Donc ça, c'est des gens qui appellent à ce qu'on les adore eux. Et donc ça, c'est des gens qui appellent au shirk. Ils font partie des têtes parmi les tawarites. De même que celui qui... كَذَلِكَ مَنْ دَعَ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ غَيْرِهِ مِنَ التَّوَارِيْتِ. Donc, c'est pas seulement celui qui appelle les gens et qui dit aux gens « Adorez-moi », même celui qui dit « Adorez un autre parmi les hommes ». C'est la même chose. C'est un tarout aussi. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils embellissent le shirk pour les gens. Ils embellissent l'idolâtrie pour les gens. Et ils donnent à l'idolâtrie un autre nom. C'est-à-dire, l'idolâtrie, le shirk, ils ne vont pas l'appeler shirk. Parce que s'ils l'appellent shirk, les gens vont savoir que c'est mauvais, que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Donc, ils vont changer le nom. Et ils vont l'appeler par un nom qui va faire que les gens vont dire que c'est bien ou que c'est quelque chose de correct. Comme par exemple, quand tu dis à des... Ça m'est déjà arrivé, même j'ai parlé avec des catholiques, je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites? C'est de l'idolâtrie quand vous priez les statues dans les églises et des trucs de ce genre. Et puis eux, ils ont dit, non, ça c'est pas de l'adoration, c'est pas de l'idolâtrie, c'est du respect. Donc ils appellent l'idolâtrie respect, pour essayer de faire que ça soit accepté par les gens. Donc ça c'est des exemples, comment les gens de l'égarement déforment les noms et les mots pour jouer avec les mots, pour égarer les hommes et pour leur faire accepter ce qui est faux. Donc, le cheikh il donne des exemples aussi, même parmi les musulmans, il y en a quand ils adorent les tombes, et qui adorent les morts, et qui adorent les saints, au nom de l'islam, ils disent non, ça c'est pas du shirk, c'est pas de l'idolâtrie, c'est du tawassul. Tawassul, c'est-à-dire on prend un intermédiaire entre nous et Dieu pour se rapprocher à Dieu, parce que nous on est des pécheurs et eux sont des gens qui sont pieux, donc Dieu va les écouter plus que nous. Donc on va passer par eux, puis eux vont adresser notre prière à Dieu directement. Hein? Donc ça c'est une autre façon de dire les choses, mais ça revient au shirk, ça revient à l'idolâtrie. Parce que quand quelqu'un est mort, tu n'as pas le droit de l'invoquer pour lui demander quoi que ce soit. Et si il est vivant, et qu'il est à une distance tellement loin que c'est impossible qu'il t'entende, dans ce cas-là, tu n'as pas à l'invoquer ou lui demander quoi que ce soit. Et surtout si c'est des choses que tu lui demandes que seul Allah est capable de donner, comme la guidance, ou le paradis, ou la protection contre l'enfer, ou de te sauver contre le mal, ou des choses de ce genre. Ça, c'est des choses que seul Allah est capable de faire. Donc, si tu invoques un vivant ou un mort pour lui demander ces choses-là, ça rentre dans l'idolâtrie. Donc, que tu l'appelles intercession, que tu l'appelles de prendre un intermédiaire, ou que tu l'appelles tawassul, comme les soufis, par exemple, eh bien, on va savoir que ça, c'est une ruse. Hein? Une ruse pour égarer les gens. Et c'est des gens qui appellent les hommes au shirk. Ensuite, un autre exemple que le shirk, il donne, parmi les tawarit, man idda'a shay'an min ilm al-ghayb. Donc avant ça, il y a un autre paragraphe que j'avais pas traduit. Le cheikh il dit wa inna ha'ula tawarit li'annahum yad'una ila ash-shirk fa hum yad'una ila ibadati ghayrillah wa yusammuna dhalika bighayri ismih wa yuzayyinunahu lin-nas bish-shubuhat وزخرف القول وهؤلاء هم الطواغيت دعاة الشرك طواغيت دعاة الشرك طواغيت وكل من عبد من دون الله وهو ورضي بذلك أو دعا الناس إلى عبادة نفسه أو دعا الناس إلى عبادة غير الله فإنه من الطواغيت بل هو من رؤوس الطواغيت نسأل الله العافية. Donc, le cheikh, il dit, ceux-là sont des tawarites, c'est le pluriel de tarot, comme on l'a dit, et ce sont les gens qui appellent au shirk, à l'idolâtrie, et à l'adoration d'autres que Allah. Ils appellent les gens à adorer d'autres que Dieu, à adorer d'autres que le Créateur, à adorer la créature. Et ils donnent à ça un autre nom, pour essayer de l'embellir aux gens, en utilisant toutes sortes de ruses, hein, toutes sortes de ruses et de fausses analogies, hein, pour essayer d'appeler les gens au shirk. Comme l'analogie que je vous ai donnée tantôt, ils disent, oui, mais nous, on n'est pas pieux, on a plein de péchés, eux sont pieux, donc ils peuvent plus nous rapprocher de Dieu, et c'est parce qu'ils comparent Dieu à un être humain. Ils comparent Dieu à un être humain, comme un roi, hein, ou un président, ou un chef d'une compagnie. Tu vas dire, ah, mais si je veux rentrer dans telle compagnie, ou si je veux aller parler avec le président ou le roi, je ne peux pas aller directement. Il faut que je passe par son ministre ou par son conseiller, et puis lui, il va parler avec lui, et il va intercéder en ma faveur. Donc, il pense, de cette façon-là, il compare les affaires de cette vie d'ici-bas, et des choses, comment fonctionnent les affaires des hommes, avec la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala gère l'univers. Et il n'y a pas de comparaison à faire. Parce que le roi, premièrement, il ne te connaît pas. Il a besoin de quelqu'un qui va te présenter. Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va être intermédiaire entre lui et toi. Hein? Tu peux l'invoquer directement, il va t'entendre, il va te comprendre. Hein? Il va savoir ce que tu as besoin. Mieux que cette personne à qui tu demandes toi pour passer par lui, pour aller à Dieu. Non, il n'a pas besoin de toi. En plus, les rois ou les présidents ou les autres, ils ont besoin de ces gens-là autour d'eux, parmi leurs ministres et des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que parfois, ils ont des faveurs, ils leur doivent des faveurs. Et il n'y a personne qui doit quoi que ce soit, c'est-à-dire Dieu, il n'a pas de dette envers personne. Et il ne doit rien à personne. Hein? Et donc, il n'est pas soumis à d'autres personnes ou à des hommes pour qu'il soit obligé de leur rendre des faveurs. Tu ne peux pas donc comparer Dieu avec les créatures dans ce genre de choses-là. Ça, ça fait partie des shubuhat que tu entends de la part des gens qui appellent à l'idolâtrie, que ce soit des hindous, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des chrétiens, que ce soit des idolâtres parmi des gens qui se disent musulmans mais qui adorent les morts. C'est toujours les mêmes prétextes. Et même les Arabes de la Mecque, c'était la même chose avec eux. Ils disaient, à propos des idoles, que le peuple des Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient ces idoles-là. Quand on leur disait, pourquoi vous les adorez, ils disaient, « Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. » Ils disaient, on les adore seulement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Hein? Et la même chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَا إِشُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ » Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, « Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Hein? Ça, c'est de l'idolâtrie. Hein? « قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » Donc ça c'est du shirk, qu'est-ce que ces gens-là faisaient. Et dans toutes les, même dans les autres croyances ou pratiques que les gens ne considèrent pas comme étant des religions, comme par exemple, je mentionne souvent l'exemple du vaudouisme parce que en Haïti, les gens, la majorité pratiquent le vaudouisme, eh bien c'est la même chose. Ils passent par des lois, hein? Ils passent par des créatures pour aller à Dieu ou des choses de ce genre. Ils font des sacrifices, ils sacrifient à des djinns. Nous on sait que c'est des djinns, même si eux ils les appellent des lois, mais en réalité c'est des djinns. Et ils prennent ces djinns là comme des intermédiaires entre eux et Dieu. Tout ça c'est de l'idolâtrie, hein? Et les djinns les utilisent par cet intermédiaire là aussi pour les égarer aussi, puis pour leur faire plein de choses qui sont contraires à ce que Dieu aime. Donc, peu importe la religion, si cette religion-là, elle appelle l'homme à adorer autre que le Créateur, et elle appelle l'homme à passer par la créature au lieu d'aller directement au Créateur, donc c'est une fausse religion, peu importe le nom que cette religion-là porte. Hein? Même si quelqu'un dit que ça c'est l'islam, on va dire non, ça c'est pas l'islam, parce que l'islam interdit cette chose-là. Hein? Donc, ensuite, Naam, le cheikh il dit donc, ils essaient d'embellir l'idolâtrie avec des belles paroles, des paroles enjolivées, ceux-là sont des tawarites, ce sont des gens qui appellent au shirk. Naam, donc, toute personne qui appelle aussi à adorer soi-même, c'est-à-dire adorer sa propre personne, il dit aux gens, adorez-moi, ou bien qui appelle les gens à adorer autre que Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être. Alors, il fait partie des tawarites et des têtes parmi les tawarites. Et une autre catégorie, la quatrième catégorie que le cheikh a mentionnée parmi les tawarites, c'est celui qui prétend connaître quelque chose de l'avenir ou de l'invisible. Quelqu'un qui prétend connaître l'avenir, qui prétend connaître l'invisible, il fait partie des tawarites. Le cheikh il dit, « Al-rabi' man idda'a shay'an min ilm al-ghayb » وهذا يدخل فيه السحرة والمنجمون والكهان والرمالون وكل من يدعي أنه يعلم الغيب يقول للناس سيحصل لكم كذا وكذا أنت سيحصل لك سعادة أو يحصل لك شيء من التعب أو توفق في زواج أو لا توفق هؤلاء يدعون علم الغيب والعلم لا يعلمه والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Donc le cheikh il dit, Celui qui prétend, le quatrième tarout, c'est la tête, la cinquième, quatrième tête parmi les tawarit, c'est celui qui prétend connaître quelque chose de l'avenir ou de l'invisible. Et on peut inclure dans cette catégorie-là les sorciers, les astrologues, les voyants, les gens qui prétendent voir l'avenir, les médiums, les gens qui prétendent pouvoir lire l'avenir dans le sable, ou bien dans autre chose, pas nécessaire dans, c'est pas seulement dans ces catégories que le cheikh a mentionné. Toute catégorie de personnes qui prétendent connaître l'avenir, que ce soit dans une boule de cristal, que ce soit en lisant les lignes de la main, que ce soit avec les feuilles de thé, ou que ce soit avec n'importe quelle autre méthode qu'ils peuvent employer, si quelqu'un prétend connaître quelque chose de l'avenir, il fait partie des tawarit, il fait partie des têtes parmi les tawarit. Donc toute personne qui prétend connaître l'avenir, qui dit aux gens, il va t'arriver telle chose, ou bien il dit aux gens, toi tu vas être heureux, tu vas avoir du bonheur, ou bien il dit, toi tu vas être fatigué, tu vas avoir une fatigue, tu vas avoir une maladie, tu vas avoir ci et ça, ou bien ils disent aux gens, toi tu vas avoir un mariage bientôt, ou bien non, ton mariage ça va pas marcher, ou bien ils disent aux gens, yani, toutes sortes de choses de ce genre. Bientôt, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer la femme de ta vie. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Des choses de ce genre. Tout ça, ça fait partie de cette catégorie-là. Et le cheikh dit, ça fait partie de ceux qui prétendent connaître al-raib. En arabe, on appelle al-raib tout ce qui est invisible, tout ce qui est de l'avenir, tout ce qui est du passé que tu peux pas connaître, des choses que tu peux pas connaître avec tes cinq sens. Hein? Tout ce que tu prétends connaître de ce qui dépasse la science de ce que Allah nous a donné dans la révélation, ou de tes cinq sens, parce que ça dépasse ces limites-là, alors si tu prétends le connaître, alors tu as prétendu connaître une science que seul Allah détient, et ça fait partie également du kufr et du shirk, c'est de la mécréance et de l'idolâtrie aussi. Et il mentionne le verset 65 dans Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Dis, ô Muhammad, aux gens, nul ne connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, nul d'entre ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'invisible, excepté Allah. » Donc, personne ne connaît l'invisible, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 26 et 27 dans Surat al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Alimul ghaib, c'est-à-dire, c'est lui le connaisseur de l'invisible. » Et il ne laisse personne connaître quoi que ce soit de son invisible ou de sa connaissance de l'invisible, excepté ceux à qui il a agréé d'entre ses messagers. Ça veut dire qu'à certains d'entre ses messagers, c'est-à-dire les prophètes qu'il a envoyés et les messagers qu'il a envoyés, dont le dernier d'entre eux était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il révèle certains aspects de l'invisible, mais pas tout, hein. Il ne faut pas croire, comme certains soufis par exemple, que les prophètes, ils savent tout de l'invisible et qu'ils connaissent tout le raïb. Non. Ils savent du raïb ce que Allah leur a mentionné du raïb. Mais il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'eux-mêmes, ils ne savent pas le raïb. Hein? Et même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé un verset dans lequel il dit aux gens, « وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. » Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé de dire aux gens, si je connaissais le raïb, j'aurais beaucoup de bien et aucun mal ne m'aurait touché. Donc c'est la preuve qu'il ne connaît pas le raïb. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui connaît le raïb, mais il lui révèle certaines choses parfois quand c'est nécessaire pour qu'il puisse expliquer les choses aux gens que les gens ont besoin de connaître, comme la prophétie et des choses de ce genre. Ensuite il dit un autre verset, le verset 59 dans sourate Al-An'am. Il dit, قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب. C'est-à-dire, c'est à Allah qu'appartient les clés de l'invisible. Nul ne les connaît excepté lui. Et il sait ce qu'il y a sur terre et dans la mer. Et il n'y a pas une feuille d'arbre qui tombe, excepté qu'il le sait. C'est-à-dire, à l'automne, quand les feuilles tombent, ou même n'importe quel moment, lorsqu'une feuille tombe, elle tombe pas sans que Allah sache, hein, sans que Allah le sache. Hein, il n'y a pas une graine non plus dans les ténèbres de la terre, ni de quelque chose d'humide ou de sèche, accepter que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait et c'est écrit dans un livre clair. Donc tout ce que Allah hein, a créé, Allah l'a su avant de le créer et il l'a écrit dans un livre clair. Donc ça, ça fait partie de la croyance du musulman. Hein? وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Il n'y a personne qui le connaît excepté lui. وَهَذَا حَصْرٌ فَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ أَوْ مَنْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْغَيْبِ مِنْ رُسُلِهِ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ الْبَشَرِ وَمُعْجِزَةً لِلرُّسُلِ وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمُ الْغَيْبِ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا علمه للغيب من تعليم الله له فلا يعلم الغيب إلا الله فمن ادعى علم الغيب فإنه يكون مشاركا لله فيما اختص به سبحانه فيكون مشاركا وطاغوتا وكافرا وهذا من أعظم أنواع الردة عن الإسلام. Donc le cheikh il dit que c'est à Allah qu'appartient les clés de l'invisible. Allah, il dit, nul ne les possède excepté lui. Nul ne connaît l'invisible excepté lui. Et ça, c'est pour limiter et restreindre la connaissance de l'invisible à Dieu seul. Ou à ceux d'entre les messagers à qui Allah a donné une part de la connaissance du Ghaib parmi ses messagers. Dans le but du bien de l'humanité et comme miracle pour les prophètes et les messagers. Mais le messager n'a pas connu l'invisible par lui-même. Il a connu l'invisible parce que Allah lui a enseigné. Donc, nul ne connaît l'invisible en réalité que Allah. Donc, si quelqu'un prétend connaître l'invisible, alors c'est comme s'il se prétend être un partenaire dans cette caractéristique spécifique qui n'appartient qu'à Dieu seul. Et donc, de cette façon, il devient un mushrik. Il devient un idolâtre, un tarout, un kafir. Hein? Et ça, ça fait partie des plus grandes formes d'apostasie de l'islam et de mécréance. Donc ça, c'est les points, les quatre premiers parmi les tarouts. Il y a un dernier exemple, le cinquième. On va le faire, puis on arrête. Inch'Allah, c'est le dernier point. Ça répond au point que la question que tu m'avais posée. Man hakama bighayri ma anzala Allah. Celui qui a jugé par autre que ce que Allah a révélé. Al-Khamis, man hakama bighayri ma anzala Allah. Wa daliluhu qawluhu ta'ala, yuriduna an yatahakamu ila al-taghut. Falladhi yahkumu bighayri ma anzala Allah mustahillan lidhalik, yakunu taghutan. والذي يقول إنه يجوز أن يتحاكم إلى قانون إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو إلى عوائد القبائل والبادية ويترك الشرع يقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله فإذا قال إنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله أو قال إنه حلال فقط ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل قال حلال جائز هذا يعتبر طاغوتا وهذا بنص القرآن قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. Donc le cheikh il explique que une autre catégorie de tarout, c'est celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. C'est-à-dire, il juge pas par la loi divine. Il juge dans sa vie. Il juge dans quoi que ce soit de ce qu'il fait dans la vie d'ici-bas. Il juge par autre que ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Alors ça veut dire qu'il fait partie du Tarout. Il rentre dans les catégories de Tarout. La preuve de ça, c'est le verset 60 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils veulent prendre pour juge le tarout, dans le verset 60 dans Surat An-Nisa. Le verset au complet, c'est Alam tara ila alladhina يعني ألم ترى إلى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. C'est-à-dire, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur toi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur ce qui a été révélé avant toi, c'est-à-dire les autres prophètes avant, ils veulent prendre pour juge le Tarout, c'est-à-dire ils veulent prendre pour juge autre que la loi de Dieu, alors qu'on leur avait ordonné de renier hein, cette chose, de renier ce qui est contraire à la religion d'Allah. Donc le cheikh il dit, celui qui juge par autre que la religion d'Allah, en rendant cela halal, c'est-à-dire quelqu'un, il a un conflit ou un problème avec les hommes, il juge par autre que la loi d'Allah, il juge selon une loi faite par des êtres humains, que ce soit une loi civile ou un code civil ou un code pénal ou une loi quelconque faite par des êtres humains. Eh bien, celui qui fait ça en disant « ça c'est permis de le faire », il est un tarout. Il dit « ça c'est permis de juger par une autre loi que la loi de Dieu, une autre sharia que la sharia d'Allah », la même chose. Donc, ça c'est un tarout. Pourquoi ? Hein ? Parce qu'il a rendu ça halal. Il dit « c'est permis de juger selon telle loi, la loi canadienne, la loi américaine, la loi française, la loi anglaise ». Hein? Il juge par des lois qui opposent la loi de Dieu. Comme par exemple, toi tu es un musulman, hein? Puis tu dis, ben on est au Canada, et étant donné qu'on est ici, ou on est en, si tu es en Angleterre, ou en France, ou ailleurs, tu dis, ah mais la loi ici, ça dit que, par exemple, l'homosexualité c'est permis. Donc, moi je vais dire que l'homosexualité c'est permis, parce que dans la loi canadienne, c'est permis. Mais là, tu vas dire, mais dans le Coran, c'est interdit. Oui, mais c'est pas grave, c'est permis quand même parce que c'est dans la loi canadienne. Ça, c'est un acte de mécréance, si tu fais ça. Ou bien quelqu'un qui dit, dans la loi canadienne, par exemple, dans la loi américaine, dans telle ou telle loi, quand quelqu'un meurt, il faut donner l'héritage égal à tout le monde. Alors que dans le Coran et dans la Sunna, quand quelqu'un meurt, non, l'héritage, elle a été déterminée d'une façon spécifique, différente. Toi, tu dis, ah, mais moi, je suis au Canada, je juge selon la loi canadienne, ou je suis aux États-Unis, je juge selon la loi américaine. Non. Tu dois juger selon la loi que Dieu a révélée, et tu n'as pas le droit de rendre ça halal. Si tu le rends halal, c'est un acte de mécréance. D'accord ? Ou bien si tu dis, comme le cheikh, il dit, tu te bases sur des traditions ou des coutumes, c'est-à-dire c'est pas une loi écrite avec par exemple un pays ou un état, non, c'est des traditions tribales ou des traditions culturelles, hein. Tu dis dans notre ville ou dans notre village, nous quand quelqu'un meurt on sépare l'héritage de telle façon. Tu lui dis oui mais dans le Coran et dans la Sunna c'est pas comme ça. Il dit, ouais, mais nous, on ne se base pas sur la Coran et la Sunna, on suit notre tradition. Nous, on dit ça, si vous rendez ça halal, vous dites ça, c'est halal de faire ça, ça c'est, dans ce cas-là, tu deviens un tarout. D'accord ? La même chose, si quelqu'un, il va dire, par exemple, c'est pas, comme s'il va dire, c'est la même chose, c'est égal. Tu juges selon la loi de Dieu, le Coran et la Sunna, puis ou bien la loi canadienne, la loi française, la loi américaine, tout ça, c'est pareil. C'est égal à égal. T'as le choix. Si quelqu'un croit ça, il est la même chose, kafir. Pourquoi ? Il est mécréant, pourquoi ? Parce qu'il a mis la parole de Dieu égale avec la parole des hommes. Et ça, c'est comme s'il a rabaissé la parole de Dieu. Donc c'est un tarout, dans ce cas-là. Ou bien, il n'a pas mis à égalité, il a fait pire que ça, il a dit c'est pas égal, c'est meilleur, c'est-à-dire la loi canadienne est meilleure que la loi de Dieu, hein? C'est-à-dire par exemple la loi canadienne elle interdit par exemple qu'un homme épouse plus qu'une femme, et la loi de Dieu elle permet à un homme d'avoir jusqu'à 4. Tu dis ah mais la loi canadienne est meilleure parce que comme ça c'est mieux. Si tu dis ça, ça veut dire que t'es pas musulman, t'as pas cru en Allah, parce que tu as mis la parole des hommes au-dessus de la parole d'Allah. Hein? Donc ça, c'est des exemples de ce genre. Il faut que le musulman sache que il doit mettre la parole d'Allah au-dessus de toute autre chose. Rien ne doit être au-dessus de la parole de Dieu. Hein? Et ça, c'est celui qui rend ça permis, ou qui dit que c'est égal, ou qui dit que c'est que la loi des hommes est meilleure, ou qui dit que c'est permis, dans ce cas-là, il est un tarout. Et ça, c'est basé sur le verset du Coran qu'on a lu tout à l'heure, le verset 60 dans Surat An-Nisa. On l'appelle un tarout à cause de ça. Le Cheikh il dit: أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب هو الواجب الاتباع والحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل وهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه على خطر عظيم وعلى طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les exemples qu'on a mentionnés, il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui qui sont ignorants. Ils n'ont pas étudié la charia d'Allah. Donc, ils pensent qu'ils ont le choix dans la religion d'accepter ce qu'ils aiment et de laisser ce qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire, ah, c'est telle règle de l'islam, je l'aime, donc j'y crois, je l'accepte. Mais telle autre règle de l'islam, non, je ne l'accepte pas, je ne l'aime pas, donc je la rejette. Hein? Si tu crois que ça vient de Dieu, comment tu peux avoir le choix de prendre ce que tu veux et de laisser ce que tu ne veux pas? Et Allah, il dit ça dans le Coran. Hein? Il dit, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدَ الْكِتَابُ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدَ. Est-ce que vous croyez à une partie du livre puis vous rejetez l'autre? Hein? Donc il faut croire en tout le livre. Et il y a des gens aujourd'hui, on les entend dans les médias, on les entend dans les journaux, dans la télé, ils vont dire par exemple, telle règle de la charia, c'est pas correct, on l'accepte pas, telle chose de la charia, on l'accepte pas. Un musulman, il doit croire en tout ce qui est dans la charia, sans exception. Du moment que c'est affirmé dans le livre d'Allah et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique, on doit l'accepter et on doit l'affirmer. Et on le met au-dessus de tout, toute autre loi, peu importe ce que peut penser la personne qui en pense. Parce que ça vient de Dieu, donc on sait avec conviction que c'est la vérité. D'accord? Donc, si quelqu'un, par exemple, il juge par autre que la religion d'Allah, mais malgré tout, dans son cœur, il sait que ce qu'il fait, c'est faux. Il reconnaît que c'est faux, cette chose-là qu'il est en train de juger. Il dit, je juge par quelque chose qui est faux, et ça c'est haram, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, on va pas le considérer un tarout qui sort de l'islam. Dans ce cas-là, on va dire, c'est un musulman qui fait un grand péché. Son kouf, c'est un kouf mineur, qui ne fait pas qu'il sort de la religion. Il sort pas de la religion pour ça. Mais il est quand même dans un danger grave. Parce qu'il juge par autre que la loi d'Allah. Même s'il dit, oui, je sais que c'est faux, je sais que c'est haram, mais il suit sa passion là-dedans, donc c'est un grand péché, c'est très dangereux. Mais il va quand même être un musulman, et on ne va pas le faire sortir de l'islam à cause de ça. Sauf qu'on va dire qu'il a commis un très très grave péché. Ça, c'est une chose qui devrait nous encourager, nous les musulmans, à faire des efforts, comme le cheikh en a parlé dans les cours précédents, pour vivre aller vivre dans des pays musulmans où il y a une harmonie entre notre religion et la pratique et les lois, pour pas être toujours en conflit dans notre religion. Parce que ici, depuis que tu as un problème, dans quoi que ce soit de ta vie, c'est un problème avec quelqu'un, un problème avec dans ta famille, dans ta maison, ou quand quelqu'un meurt, pour l'héritage, ou pour l'enterrement, ou pour n'importe quel autre problème des choses de la vie, tu vas toujours avoir à faire face au système, hein, un système judiciaire ou un système autre qui est basé sur qu'est-ce qui est opposé avec la loi de Dieu. Donc dans ton cœur, c'est sûr que tu es obligé de le renier ça, et de le rejeter, parce que c'est contraire à l'islam. Donc tu dis oui, ça c'est faux. Par contrainte, d'une certaine façon, tu es obligé d'y avoir recours. Mais tu dois faire ton possible, du maximum que tu peux, pour t'éloigner de ce qui est contraire à la religion d'Allah et faire ce qui est ordonné par Allah. D'accord? Et la même chose, ça répond à la question par rapport au, dans les pays musulmans, parfois il y a des dirigeants qui font de l'injustice ou qui font du mal ou qui font du tort ou qui jugent par autre que la loi de Dieu dans certaines règles, dans certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des tarots nécessairement ou qu'ils sont des mécréants. Parce que, comme on l'a expliqué, tant qu'ils reconnaissent que ce qu'ils font est faux et que c'est de l'injustice et qu'ils ne rendent pas ça halal, on peut pas dire d'eux que ce sont des mécréants. Et dernièrement, j'ai traduit justement la parole de Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet-là, et je l'ai mis sur le site Salafi de Montréal. Ça s'appelle « La fitna du takfir ». Donc si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, vous pouvez le lire pour comprendre. Parce qu'il y a des gens parmi les ignorants qui ne font pas la distinction entre les différentes catégories de personnes qui jugent par autre que la loi d'Allah, et ils mettent tout le monde en dehors de l'islam, sans exception. Et ils déclarent les dirigeants musulmans mécréants, et ils se permettent par la suite de faire des choses qui sont contraires à l'islam, comme les attentats terroristes, et comme les coups d'État, ou des choses de ce genre, ou les manifestations et les rébellions, au nom de l'islam, alors que tout ça c'est contraire à l'islam. D'accord? Donc il y a des groupes islamiques en ce moment qui supportent ces choses-là, et qui défendent ces choses-là, malgré que tous les textes du Coran et de la Sunna opposent ce que ces gens-là font. Donc il faut faire attention de ne pas se laisser tromper par ces mouvements politiques-là qui prétendent appeler à l'islam ou suivre l'islam parce qu'ils contredisent le Coran et la Sunna. Donc ensuite le cheikh il dit « وَأَمَّا مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ بَلْ عَنْ اجْتِهَادٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْفُقَهَاءِ واجتهد ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا قال صلى الله عليه وسلم فهذا مغفور له قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. Donc le cheikh il dit, lorsque quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah, mais c'est pas intentionnel, il a jugé par autre que la loi d'Allah parce qu'il s'est trompé, il a fait une erreur dans son jugement parmi les savants, il a fait un ijtihad, il s'est trompé parmi les savants de la religion. Comme des fois il y a des questions sur la religion qu'on pose à des gens, il n'y a pas un texte clair à ce sujet là dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a pas quelque chose de spécifique mentionné à cette chose-là. Sauf qu'il y a des principes de la religion qu'on peut utiliser pour extraire de ces textes, des différents textes, des verdicts de la religion pour savoir si c'est permis ou non. Donc, des fois, le savant, il va essayer d'extraire un verdict pour essayer de savoir si quelque chose est vrai ou non, permis ou non. Et il va faire une erreur dans son jugement. S'il s'est trompé dans ce cas-là, on ne va pas dire de lui qu'il est un tarout. On ne va pas dire de lui qu'il a commis un péché. On va seulement dire de lui qu'il a fait une erreur dans son ijtihad. Et on va considérer qu'il est pardonné pour cette erreur-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui parmi les juges qui, lorsqu'il juge, fait un ijtihad, il a une bonne réponse, c'est-à-dire il répond correctement à la question, alors il aura deux récompenses. Toutefois, s'il fait un ijtihad et qu'il a tort, il aura une seule récompense au lieu de deux. Il aura une seule récompense au lieu de deux. Donc, ça veut dire que celui qui fait un ijtihad et qui se trompe, il a une récompense. C'est pas comme celui qui fait un ijtihad par ignorance. Celui-là, il fait un ijtihad, il a fait son effort, il n'a pas été capable de trouver la vérité, donc il sera pardonné pour son erreur. Et il est récompensé quand même. لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدَ الْخَطَأَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَقَّ وَيُرِيدُ مُوَافَقَةَ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُوَفَّقْ لَهُ فَهَذَا يُعْتَبَرُ مَعْذُورًا يعتبر معذورا ومأجورا ولكن لا يجوز اتباعه على الخطأ ولا يجوز لنا أن نتبعه على الخطأ ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطأوا فيها أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق ولكن لم يوفقوا فخطأهم مغفور. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh dit pour terminer. Il dit celui qui n'a pas fait exprès de faire une erreur, il voulait la vérité, donc c'est pour ça qu'il est récompensé. Il a voulu atteindre la vérité, mais il a fait une erreur, il s'est trompé. Donc il n'a pas voulu contredire le jugement d'Allah. Il a juste fait une erreur. Donc, étant donné qu'il n'a pas eu le bon jugement dans cette question-là, il sera excusé et récompensé quand même. Et il n'est pas permis, par contre, il n'est pas permis pour nous de le suivre dans son erreur. Parce qu'il y en a parfois parmi les musulmans qui vont dire, tel savant a dit, c'est permis de le faire. Oui, mais il s'est trompé. C'est une erreur. Donc, dans ce cas-là, du moment que tu sais qu'il a fait une erreur, tu n'as pas le droit de le suivre dans cette erreur-là. Et si tu le suis dans cette erreur-là, alors que tu sais que c'est une erreur, tu ne seras pas excusé comme lui. Lui, il sera excusé, mais pas toi. Parce que toi, tu savais qu'il était dans l'erreur et tu l'as suivi malgré tout. Naam, donc ça c'est un. Et l'autre point, qu'est-ce que le chef il dit pour finir? Il dit que, yani, c'est la même chose aussi pour les savants de la religion, lorsqu'ils disent des choses dans la religion, puis ils se trompent, hein, dans certaines questions de fiqh, ou des choses de ce genre. Et aussi, lorsque certains juges dans les tribunaux, ou dans les cours, des pénales ou des trucs de ce genre, lorsqu'ils font un jugement et qu'ils se trompent dans leur jugement ou leur verdict, eh bien, du moment que leur intention était d'atteindre la vérité et qu'ils ont fait tout leur possible pour arriver à obtenir la vérité, mais qu'ils ont fait une erreur dans leur jugement, ils seront excusés pour cette erreur-là. Toutefois, on ne va pas, nous, avoir le droit de les suivre dans cette erreur. Nous, on doit suivre la vérité du moment qu'on est au courant du fait qu'il s'est trompé. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, demain, ce sera le dernier cours. On complète, on va terminer ce livre, Inch'Allah, avec le dernier cours. Demain, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.